Nous vous rappelons que le bar est ouvert en voiture 8. Johnny est un chanteur belge, de Solène Denis. Café chaud et premier épisode. Tu vas adorer, Anaïs. Comment tu sais? Tout le monde adore Bruxelles. C'est hype. Bruxelles, c'est hype? Non, Berlin, c'est hype. Ah, mais pas du tout, c'était hype, mais ça l'est plus. C'est Bruxelles maintenant. Mais non, Sarah, Bruxelles, c'est super chouette, mais c'est pas hype. T'es allée quand? Je sais pas, il y a 2 ans. Bah oui, mais c'était pas hype à l'époque, c'est pour ça, mais tu vas voir maintenant, c'est incroyable. Julie, tu t'es fait un sandwich? Mais vas-y, on arrive dans 1 heure même pas, on mangera ensemble à Bruxelles, non? Julie, bonne frette, va dans la bière. Non, mais je fais de l'hypoglycémie, faut que je mange tout de suite. Il est à quoi? Poulet, coriandre, réfort, savora, ketchup. J'ai inventé. Tu veux goûter? Ouais. Ah ouais. Bizarre. Ni bon, ni dégueu. Vas-y, fais goûter. Tiens. Ouais, ben, ni bon, ni dégueu, j'adore. Hein. Ah. Et qui? Anaïs, c'est qui? C'est Diane? Je suis sûre que c'est Diane. Je comprends rien, je croyais que c'était fini. Bah, c'était fini, mais maintenant, ça a recommencé. Ça fait 10 fois que ça recommence. Bah oui, on réinvente, on rate et on recommence, quoi. Je pensais pas qu'entre gonzesses, c'était aussi compliqué qu'avec un mec. Diane a revu son ex. Son ex? Alors ça, c'est moche. Mais chez les lesbiennes, brouter, c'est pas tromper. T'es con. Non, mais elle l'a juste embrassé. Mais en même temps, toi aussi, tu l'avais trompé à la fête d'Aïssa. Tu sais, t'avais roulé des grosses pelles à ce type, là, le hipster avec son t-shirt Space Invader. Mais non, mais avec un mec, ça compte pas. Pourquoi ça compte pas? Bah, parce que je suis lesbienne, donc c'est juste comme ça, quoi, pour rigoler. Et ça marche aussi pour les hétéros? Genre, si je trompe mon mec avec une fille, ça va, c'est juste pour rigoler? Putain, Sarah, mais t'as fini mon sandwich, t'es chier! Je fais de l'hypoglycémie, je t'ai dit! Mais c'est nouveau ton truc d'hypoglycémie, t'es complètement hypochondriaque ou quoi? Quelqu'un t'a dit je fais de l'hypoglycémie, tu t'es dit tiens moi aussi je dois faire de l'hypoglycémie. Non, pas du tout. C'était quand la dernière fois toutes les trois? Il y a une paye, non? C'est clair. Ah, il y a une paye. La vieille expression. Bah quoi? C'est vrai, on se voit plus. Bah ouais, mais moi je bosse comme une dingue. Ouais, moi aussi, et en plus j'ai un enfant. Hein. Ouais, mais avant on se débrouillait toujours pour se voir quand même. Maintenant on s'envoie des textos pour trouver un créneau pour pouvoir s'appeler. On prévoit 1 mois à l'avance pour prendre l'apéro. On passe plus par surprise parce que c'est jamais le bon moment. Il y a toujours un dossier à boucler où il y a yoga Bikram. C'est quoi ça? C'est le truc avec le sauna là. Ouais, ou la gosse qui a une otite. Ou juste on est crevé. On est toujours crevé. C'est moche. Je me sens comme un chien qu'on a abandonné sur un parking d'autoroute. Oh, mais personne t'a abandonné. Oh là là, on est ensemble. Profite au lieu de râler. Ouais, on va pas se dire que c'était quand même mieux à la fac quand on picolait comme des dingues et qu'on se tenait la tête au-dessus des chiottes pour dégueuler. Non, n'empêche, c'était bien. Si, c'était bien. Ouais. Vomir ensemble, ça, c'est vraiment de l'amitié parce que c'est intime. En vieillissant, on dirait qu'on n'est plus intime de rien. On a genre sa moitié, rien que le mot, il est dégueulasse. Avec qui on partage tout et puis les amis, bah, les amis, ça passe après tout. Après l'amour, après la famille, après le travail. Franchement, si c'est ça, être trentenaire, ça me dégoûte. Ça y est, elle est en mode c'était mieux avant. Bon, bah, je vais faire un petit pipi si c'est ça. Tu vois, on est intime, tu sais, même quand j'urine. Et quand tu vas faire caca, tu dis je vais faire caca? Non, c'est pour savoir, hein, comme on va passer 3 jours ensemble. Non, je mets de la musique pour pas qu'on m'entende. Ou tu chantes. Exactement. Tu vois, on se connaît bien. On se connaît par cœur. Et toi, Anaïs, tu vas passer tout le week-end sur ton téléphone ou comment ça se passe? Mais non, mais attends, c'est l'amour. Bon, bah, si c'est comme ça, moi aussi, j'écris à mon mec. C'est qui ton mec? Nassim, tu connais pas. C'est adopteunmec.com. Oh non, tu t'es inscrite. Bah quoi? Bah ça fait un peu, aidez-moi, je trouve pas de mec dans la vraie vie, du coup je fais au bout des rouleaux. Mais non, mais c'est ça la vraie vie. Juste au lieu d'aborder les hommes au comptoir du bar, tu leur parles d'abord avec tes doigts. Le facteur de l'attirance chimique est dissous et c'est l'esprit qui a le champ libre. Puisque d'abord je chatte, je vois s'il écrit des trucs intéressants ou pas. Et ensuite seulement si l'esprit colle, alors je vois si les phéromones suivent. Tu piges? Ouais. Et comme ça je suis pas dupée par la beauté ou une affriolante odeur d'Yves Saint Laurent. Ou de dessous de bras, enfin ça dépend des goûts. C'est vrai que j'aime l'odeur des dessous de bras, tu sais, quand c'est un tout petit peu humide. Juste un tout petit peu humide, transpirant légèrement. Le déodorant qui aurait vaguement tourné, soutenu par une discrète effluve de sueur. Ça me fait quelque chose, ça m'émeut, je sais pas pourquoi. Bon, qu'est-ce que je pourrais lui écrire à Nassim ? Qui te manque ? Elle vient de partir. Qui va te manquer ? Moi, j'en sais rien s'il va me manquer ou pas. Non, je vais lui faire un smiley, c'est plus neutre. Oh là là, n'allez pas, hein. Quoi ? Non, n'allez pas aux chiottes, hein. N'allez pas à cela. Il n'y a plus de papier, tu peux pas te faire le petit matelas de protection sur la cuvette, là, t'es obligé de te faire les cuisses suspendues dans les airs si tu veux pas te choper une vieille mycose SNCF. C'est immonde. C'est sale. Ah, c'est Marco. Ouais, allô ? Ouais, bah écoute, on est dans le train, là, tranquille, on se cure le nez. Ouais. Ah, c'est pas endormi. Ah bah ouais, c'est chiant, je sais, hein. Bah mets des boules caisses, mon vieux. Hein. Mais non, mais ça, c'est normal, t'inquiète pas. Mais tu l'as changé, quand même. T'as pas changé sa couche, bah c'est peut-être ça. Bah, change-la. Mais non, mais tu vas pas vomir, c'est ta fille, enfin. Oh là là, bon. Oui, c'est ça. Allez, courage, à plus. Bye. Il l'a jamais changé ? Non. Il va vomir. Oui. Nous arriverons dans quelques minutes en gare de Bruxelles Midi. Bon, bah, j'ai envoyé tous les smileys qui existent à Nassim. On va d'abord poser nos sacs à l'appart, non ? Ah bah ouais, ce que j'ai dit qu'on passait avant midi. Ça va être bizarre d'être chez des gens qu'on connaît pas. Bah, c'est Airbnb, quoi. Hein. Oh, ça se trouve, on va trouver des sextoys sous le lit. Et... J'espère qu'il y aura pas trop d'acariens, hein. Je suis allergique. Non, mais vraiment... Un jour, j'ai eu des plaques et j'avais du mal à respirer. Ouais, mais c'est ça, rigoler. Vous ferez moins les malines quand il faudra me conduire aux urgences pour un œdème de couic. De couic ? De couinc. C'est un œdème de couinc. Oui, bon, bah, ça va. L'œdème du couic. L'œdème de la junk food. Oh putain, j'ai faim. C'est pas mal. N'importe quoi. C'était Johnny est un chanteur belge de Solène Denis. Avec Maëlys Ricordo, Julie, Élodie Hubert, Sarah, Marie-Odile Weiss, Anaïs, et les voix de Xavier Xapla, Ombeline de la Tessonnière, Jean-Paul Dubois, Pauline Cassan, Louis-Marie Audubert et Sidonie Laurence. Bruitage, Patrick Martinache, conseillère littéraire, Céline Geoffroy, prise de son, montage, mixage, Philippe Bredin et Emmanuel Armingue, assistant à la réalisation, Félix Levaché, réalisation Pascal Deux.